76, collège Sadi Carnot. Ma première douche écossaise, tu danses avec Arnaud. Et j'attends autour. T'attends autour. Au printemps 82, nos vacances à Lacché. Pas un instant pour nous deux, Laurence nous a pas lâchés. Que tourne, les aiguilles de l'horloge du quartier. Et que balance le vieux balancier. Choisis comme témoin. Sable dans le sable.